Les fantaisies du prince de Ligurie par Edward Phillips Oppenheim. Monte Carlo exerçait l'intelligente activité de Mr. Laxworthy. Trouvant l'atmosphère des salles intolérable et défectueuse la ventilation, il adressa au directeur de plaintes qui eurent des suites immédiates. Le jour de son arrivée, il commença par rôder de table en table, observant de près les physionomies et les systèmes. Puis, au bout de 2 heures, il tenta la chance. Mais il ne tarda pas à perdre, ce qui le dégoûta fort et refroidit pour un temps sa curiosité. Alors il sortit, fut s'asseoir tout seul à l'une des petites tables rondes du café de Paris, disposa son châle sur ses épaules et commanda un thé à l'anglaise. Ainsi se présenta pour lui l'occasion de faire enfin ses preuves de galant homme. Dans la salle, une demi-heure auparavant, il avait cru voir sourire à son intention, de l'autre côté des tables, une jolie femme auréolée d'or, vêtée d'une jaquette de guipure et qui portait sous le bras un petit loulou de Poméranie. Un peu plus tard, il avait frôlé au seuil de la porte et elle avait répondu à ses excuses par un sourire plus gracieux que ne l'exigeait la circonstance. Et voici que, passant lentement devant lui, elle regardait d'un air amusé le châle et la théière. « Vous craignez le froid ?» fit-elle, toujours souriante. Il se leva et soulevant son chapeau. « Moins que la solitude, madame. » Peut-être n'est-il pas très élégant d'offrir une tasse de thé à une personne aussi évidemment parisienne. Mais il y a ici d'autres boissons et, si vous voulez me permettre, elle s'assit. « Vous êtes anglais et très anglais, sans aucun doute. Où donc avez-vous appris à parler le français ?»« Dans ma jeunesse, j'ai pour ainsi dire vécu en citoyen du monde. » Depuis 15 ans d'ailleurs, je mène une existence retirée, et tout est ici nouveau pour moi. Puis-je vous offrir quelque chose ? Elle accepta une tasse de café, et sa voix, ses manières furent pour Laxworthy l'objet d'une vive surprise. Ce n'est pas, reprit-elle, une banale rencontre que celle d'un homme qui trouve ici quelque chose de nouveau. Pour ma part, voilà 10 ans que j'y viens passer 3 mois tous les hivers. Vous comprenez que j'en sois parfois fatigué. Vous jouez ? Elle haussa les épaules. « Que faut-il que je fasse ? Je risque quelques louis, et quand je les ai perdus, je renonce. Ce n'est pas au casino que se jouent les plus fortes parties. » J'ai cru comprendre que bon nombre de gens vont de préférence au Sporting Club. On y joue gros jeu, en effet. Mais il faut aller dans certaines maisons particulières si l'on veut voir les plus formidables parties qui se jouent au monde. Vous m'intéressez, madame. Le joueur, pour moi, est un des sujets d'étude les plus attachants que je connaisse, car à ma modeste manière, j'étudie l'humanité. Il n'y a rien de curieux comme l'action du jeu sur les caractères. Quel plaisir, monsieur, de causer avec un homme qui pense. Ici, les gens sont des papillons. Ils ne connaissent que les distractions ou la passion du moment. Vous autres, anglais, vous voyez plus loin. C'est ce qui fait que j'ai pour vous tant de sympathie. Vous me flattez, madame. Nullement. Vous m'avez tout de suite attiré par votre aspect pittoresque. Dites-moi, pourquoi portez-vous toujours ce châle gris sur les épaules ? Crainte des rhumatismes. Le moindre changement de température m'éprouve. Ce châle est pour moi une nécessité. Vous plaisantez. Un homme aussi jeune que vous parlez de rhumatisme. Laxworthy tâta ses lunettes. De s'entendre un peu jeune, et par cette femme délicieuse, n'avait rien qui le désobligeât. Peut-être, madame, fit-il, « suis-je 1 ou 2 ans plus vieux que je ne parais, mais si cela doit vous être agréable ?» Il ôta son châle et soigneusement le replia. « À la bonne heure, » dit-elle, « mais parlez-moi de vous. Donc vous connaissez à peine Monte Carlo et vous y êtes en séjour d'études, précisément, seul, avec 2 amis, anglais, comme moi. » Pour une raison quelconque, elle sembla désappointée. « Tous deux, » continua-t-il, « ignorent aussi totalement que moi, Monte Carlo, et l'existence qu'on y mène. » « Et ce sont comme vous des gens de bonne manière ?»« Pardonnez-moi, mais je ne vous demande pas cela sans motif. » Laxworthy lui désigna du doigt Forrest Anderson et Sidney, arrêtés sur l'escalier du casino, et qui regardaient autour d'eux. Elle leva sa jumelle. « Parfait, » dit-elle. « Vous allez me donner votre carte et me présenter vos amis. Après quoi, pour peu que cela vous plaise, je vous mettrai à même de voir des choses susceptibles de vous intéresser. » J'ai mes entrées dans une maison où s'engagent tous les soirs des parties qui sortent vraiment de l'ordinaire. Je vous y conduirai ce soir, si vous n'en devez souffler mot à personne. J'ai d'autant moins de peine à vous le promettre, madame, que je ne trahis jamais un secret. Voici vos amis, présentez-les-moi. Je m'appelle madame de Cléry, n'oubliez pas, madame de Cléry. Et les présentations furent faites. Si les deux jeunes gens eurent quelque surprise de voir leur chef en pareille compagnie, ils surent n'en rien montrer. Madame de Cléry avait un charme incontestable. Pendant près d'un quart d'heure, ils restèrent à deviser gaiement avec elle autour de la petite table. Enfin, elle se leva, et l'on eût pu croire que c'était à regret. « Nous nous reverrons ce soir, dit-elle. Je tâcherai de ne pas trop m'ennuyer jusque-là. Beaucoup de mes amis sont absents en ce moment, et je me trouve un peu seul. À quelle heure dois-je vous attendre? 11 heures? Décidez-vous-même, madame, répondit Laxworthy, à moins que vous ne veuillez nous faire l'honneur de dîner avec nous chez Siro. De grand cœur, accepta-t-elle tout de suite. À 8h30, je suppose? Et s'adressant à Sydney. Cela vous ennuiera-t-il de faire avancer mon auto? Pas celle-là, non, l'autre là-bas, avec la livrée grise. Vous seriez bien aimable de traverser. Sydney s'élança. L'instant d'après, une grande voiture blanche avec chauffeur et valet de pied venait lentement se ranger contre le trottoir. Une couronne en timbrait les portières et de magnifiques roses en fleurissaient l'intérieur. Madame de Cléry s'y installa et, faisant à ses nouvelles connaissances un petit salut de la tête, « Allons, au revoir, » dit-elle. « Et vous, Mr. Laxworthy, prenez garde au rhumatisme. » L'automobile s'éloigna. Laxworthy et ses amis prirent à petits pas la même direction qui les ramenait vers l'hôtel. Suivant une règle établie, ni Anderson ni Sydney ne formulèrent de questions. Mais la curiosité de l'un et de l'autre n'était pas moins évidente, et Laxworthy, après avoir toussé, se mit en devoir de les satisfaire. « Vous vous serez certainement étonné, dit-il, de me trouver en grande conversation avec madame de Cléry. Je puis vous assurer que ni personnellement ni de réputation, je ne connais cette dame. Mais, par principe, je cause volontiers avec quiconque me fait des avances. Or, madame de Cléry m'a fait, je puis le dire, les avances les plus flagrantes. Elle désire, c'est certain, profiter de notre connaissance. Pourquoi pas, si elle nous amuse, on doit payer son amusement. Mais, objecta Forrest Anderson, n'est-ce pas, Monte-Carlo, un genre d'amusement tout plein de risques ? Et surtout avec une femme aussi terriblement belle, ajouta Sydney. Là-dessus, répondit Laxworthy d'un ton sec, je suis tranquille. Les incontestables attraits de cette dame n'altéreront pas la sérénité de mon esprit. J'irai dans la maison dont elle parle. Si tant est qu'on y joue de grosses sommes, j'aurai plaisir à voir cela, et je doute que je me laisse entraîner moi-même à jouer plus qu'il ne me convient de perdre pour mon agrément d'un soir. Anderson demeurait sceptique. Mais en serez-vous quitte à si bon compte? On ne sait jamais comment ces histoires-là finissent. Et quelles conséquences peut avoir une liaison de hasard? Appuya Sydney. On entend de si drôles de choses. Pour la méfiance, dit Laxworthy, un Écossais, vous le savez, ne m'en remontrerait pas. Mais c'est ici la terre promise des aventures, et parce qu'il s'en présente une qui, après tout, et bien que la fin s'en laisse un peu prévoir, ne manque pas de piquant, voilà que vous parlez de prudence comme une paire de vieilles femmes. Madame de Cléry nous fait tantôt l'honneur de dîner avec nous. Nous l'accompagnerons ensuite dans cette maison dont elle parle. En attendant, nous allons entrer dans ce bar, là, sur ma droite. Je sais qu'on y prépare des cocktails de premier ordre. Nous boirons au succès de notre soirée. Madame de Cléry, en arrivant chez Siro, n'avait guère qu'un retard de 10 minutes. Laxworthy, dès qu'il l'aperçut, se sentit pleinement confirmé dans la secrète opinion qu'il avait conçue d'elle. Elle portait une toilette décolletée des plus simples, avec un bijou noué au cou par un ruban de velours, et la même simplicité avait présidé à sa coiffure. Mais sa distinction s'imposait de telle sorte qu'à son entrée un murmure courut de proche en proche parmi les groupes de dîneurs. Laxworthy avait choisi une table au bout de la terrasse. Elle s'assit avec un petit sourire approbateur et plongea un moment son visage dans le bouquet de roses qui décorait sa place. « Vous faites bien les choses, » dit-elle à Laxworthy, qui pour un soir avait donné congé à son châle. « Franchement, voyons, se peut-il que vous ne fussiez pas encore venu à Monte-Carlo? Vous avez beaucoup voyagé, n'est-ce pas ?» Laxworthy parla du Sud-Amérique et des autres pays où l'avaient mené ses courses. À mesure que la soirée s'avançait, il était sensible que Madame de Cléry commençait à voir ses nouveaux amis sous un jour différent. Et ce changement de point de vue déterminait chez elle un certain malaise, surtout quand la conversation touchait à la visite projetée. Vers la fin du dîner, un incident se produisit, qui passa inaperçu d'Anderson et de Sidney, mais non point de Laxworthy. Un groupe de trois personnes quittait le restaurant. Deux messieurs et une dame, tous anglais apparemment et gens d'importance, car Cyril lui-même les escortait. Ils durent, pour gagner la sortie, passer tout près de Laxworthy et de ses invités. Madame de Cléry s'arrêta net au milieu d'une phrase. Ses doigts se joignirent nerveusement sous la nappe. Ses traits se durcirent et se tendirent. Toute couleur, toute jeunesse en allèrent de son visage. Elle fixait sur la dame des yeux à la fois brûlants et voilés. Seule Laxworthy remarqua cette petite scène de reconnaissance muette. La dame eut un léger recul. Le grand bel homme qui fermait la marche plissa le front. Et ainsi finit un de ces mille drames imperceptibles qui se jouent sans cesse de par le monde. Penché sur la table, Laxworthy essaya vainement quelques instants de rétablir la conversation. Il semblait n'avoir plus rien d'intéressant à dire. Madame de Cléry, les yeux perdus vers le jardin, luttait contre des fantômes. Jusqu'au départ, elle ne causa plus guère qu'avec Sidney. Son agitation à ce moment était manifeste. « Après tout, dit-elle, s'adressant à Laxworthy, les salons du casino vous amuseraient peut-être davantage. C'est un spectacle qui ne manque jamais d'imprévus. Et il y a quelque temps que je n'y suis allé le soir. » Laxworthy hocha la tête. « Nous retrouverons toujours le casino, madame, mais non pas sans doute votre invitation. Vraiment, je voudrais assister à l'une de ces très grosses parties dont vous m'avez donné la curiosité. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous nous en tiendrons à notre premier programme. » Alors, sans insister, « Mon automobile est à la porte. Venez, » dit-elle. Elle jeta au chauffeur, « Villa des Acacias. » Est-ce loin, s'enquit Laxworthy, à mi-chemin de Menton. L'endroit est magnifique. Il faut que vous voyiez cela dans le soleil. Sachez plaire à la maîtresse de maison, et peut-être vous offrira-t-elle un de ses jours à déjeuner. » Laissant le rivage, ils obliquèrent vers Menton pour escalader une colline. Puis, de la grande route, ils s'engagèrent dans une sombre avenue, où ils eurent à décrire d'innombrables lacets, avant de déboucher tout à coup sur une esplanade et d'apercevoir au-dessus d'eux la villa, bâtie à ce qu'il semblait sur des roches. Bien que la nuit fût chaude, tous les rideaux étaient tirés aux fenêtres, qui ne trahissaient que par de minces raies lumineuses la vie de l'habitation. Comme l'auto arrive à l'entrée, Madame de Cléry se retourna. « Regardez, » dit-elle. « J'admire le point de vue, » répondit Laxworthy en relevant le col de son pardessus, « mais je redoute le sera. Vous prenez grand soin de vous-même. J'ai atteint un âge où une certaine préoccupation de soi devient nécessaire. Certes, vous me montrez là, madame, un des plus merveilleux panoramas du monde. Certes, ces lumières à nos pieds scintillent comme des paillettes sur un manteau de femme. Certes, la transparence de la nuit nous révèle jusqu'à la dernière de ces constructions blanches qui projettent leur ombre sur la mer. Et tout cela m'enthousiasme fort, mais je préférais pour l'instant voir la porte ouverte. En vérité, on ne rencontre pas tous les jours un homme aussi réfrigérant. Tenez !» La porte s'ouvrait. Un domestique, l'air pâle et défait, introduisit les visiteurs. Devant eux s'alignaient en grand nombre des plantes de serre. Une clarté tamisée tombait de plafonniers électriques. Le vestibule, tout décoré de panoplies, était vaste. Tandis qu'un deuxième domestique s'empressait à les débarrasser de leur pardessus, un troisième ouvrait la porte d'un petit salon à gauche. « Entrons !» dit Madame de Cléry, en jetant son manteau à une femme de chambre surgie, on ne savait d'où. Ils se trouvèrent dans une pièce meublée d'une façon charmante, avec des divans, des livres, des journaux, et partout au mur des photographies du pays et des aquarelles. Il n'y avait personne en dehors d'eux, qu'un domestique, qui disposait sur un buffet le café et les liqueurs. Madame de Cléry se démenait, fébrile. « Ici, dit-elle, la maîtresse de maison a ses idées personnelles. Pas même à moi, qui suis de ses intimes, elle ne permet d'amener des étrangers sans son assentiment. Je vous ai annoncé par le téléphone. Elle sera là dans une ou deux minutes. Selon toute probabilité, elle vous retiendra pour la roulette et le baccarat. Dans le cas contraire, il n'y aura rien à faire que de prendre congé d'elle. » Elle parlait encore qu'un maître d'hôtel, se rangeant contre la porte, annonça « Madame la marquise. » Une femme entra, imposante d'aspect, grande, mince, avec un visage dont la poudre accentuait la pâleur naturelle, des cheveux noirs et des yeux gris, un air tout à la fois de jeunesse et d'élégance, de maturité et de gravité. Quand elle parla, ce fut d'une voix délicieuse. « Ma chère Lucie, s'écria-t-elle, les deux mains tendues à Madame de Cléry, quel plaisir vous me faites. Présentez-moi vos amis. » Et Madame de Cléry, les lui ayant présentés, elle fit à chacun la grâce d'un bout de doigt. « J'invoque pour Mr. Laxworthy un titre à votre bienveillance, » dit Madame de Cléry. « Il vient pour la première fois à Monte-Carlo. » La marquise regarda Laxworthy et il y eut un silence, puis, doucement, « J'imagine que M. Laxworthy a beaucoup voyagé, » demanda-t-elle. « Oui, dans ma jeunesse, » répondit Laxworthy. « Mais les déplacements ne me souriaient plus ces dernières années. J'ai quelques petits biens dont je m'occupe et je dois surveiller ma poitrine. » Il m'a fallu les deux amis que voici pour m'entraîner à cette escapade. À nous de faire que vous ne la regrettiez pas trop. C'est fort aimable à vous d'avoir grimpé jusqu'ici pour me procurer le plaisir de votre connaissance. Nous jouons quelquefois le soir et peut-être cela vous intéresserait-il alors de me rendre visite. Ce soir, hélas, je suis seul. Madame Cléry parut déconcertée. Laxworthy salua très bas, peut-être pour cacher sa déconvenue. « Mr. Laxworthy est un philosophe, » dit Madame de Cléry, après une pause. « Je l'ai trouvé qui étudiait les physionomies dans les salles de jeu. Il prend des notes, en vue, je crois, d'un ouvrage, dont le manuscrit l'accompagne dans son voyage et qu'il complète. » « En effet, » prononça la marquise, avec un petit geste appréciateur, « Mr. Laxworthy a l'air d'un homme d'études. Il trouvera, j'en suis sûr, à Monte-Carlo 1000 sujets d'intérêt. » Le ton de sa phrase semblait conclure. Les trois hommes interrogèrent du regard Madame de Cléry. Ils n'avaient plus qu'à se retirer. La marquise les menait vers la porte. « Monsieur Laxworthy, » dit-elle, « me ferez-vous l'honneur un de ces soirs d'assister à l'une de mes petites réunions? Elle ne manque pas d'attrait. Vous êtes pour quelque temps à Monte-Carlo, j'espère. Quel hôtel? Hôtel de l'Ermitage, mais seulement pour quelques jours, madame. » Ils arrivaient dans le vestibule. Déjà, le maître d'hôtel faisait un mouvement vers la porte. D'une pièce en face d'eux sortit brusquement un jeune homme, grand, fort, le visage rouge et qui s'écriait, offrant les deux mains à Madame de Cléry, « Vous, Lucie, quelle surprise délicieuse! Je pense bien que vous ne partez pas !» Madame de Cléry s'arrêta. « Mon cher Julien, dit-elle, je ne venais qu'en passant, présenter trois de mes amis à votre tante. « En passant? Quelle folie !» protesta le jeune homme. « Présentez-moi donc vos amis. Nous mourrons d'ennui ce soir. Le prince a trop bu et ne cesse de réclamer plus de monde. Présentez-moi tout de suite vos amis. J'entends qu'ils soient des nôtres. » La marquise demeurait comme figée sur place. À peine les présentations faites, le jeune homme entraînait Sidney par le bras et les autres commençaient à le suivre quand Laxworthy, après une hésitation, se tourna vers la marquise. « Peut-être ferions-nous mieux, madame, de ne pas prolonger cette première visite ?»« Merci, monsieur, » répondit-elle. « Il est vrai que certaines circonstances ne me disposaient pas à vous retenir ce soir. Mais quoi, vous êtes des hommes. Et j'imagine que vos voyages, Mr. Laxworthy, vous auront appris à compter toujours sur vous-même. Restez donc, si cela vous plaît. » Ils retraversèrent le vestibule et pénétrèrent dans une salle en forme de T, assez imprévue d'aspect, parqueté et lambrissé de chêne clair, sans un cadre au mur, et simplement garni de divans et de chaises. Un léger parfum d'eau de rose flottait dans l'air. Une table à roulettes occupait l'angle le plus proche à l'extrémité la plus éloignée. Trois hommes étaient assis devant une table de baccarat. L'un grand, le teint coloré, les cheveux abondants et grisonnants, les deux autres quelconques. « C'est le prince, » fit Madame de Cléry du bout des lèvres, en désignant à Laxworthy le plus grand des trois hommes. Ici, l'on ne présente personne et chacun est libre de jouer ou de ne pas jouer. La marquise se pencha vers Laxworthy. Il y a 10 ans, quand je bâtis la villa, j'avais aménagé ici une salle de fête. Hélas, depuis cette époque, on ne fait plus guère de musique à Monte-Carlo. La fièvre du jeu règne partout. Moi-même, pour garder mes amis, j'ai dû donner à jouer chez moi. « Nécessité regrettable mais curieuse. Il est en effet singulier, madame, que dans tel ou tel recoin du monde, le fait de se grouper éveille immédiatement un instinct qui dort partout ailleurs. Le jeune homme, si opportunément survenu quand il sortait, et qui était resté près d'eux, se mit à rire. « Comment seriez-vous, Mr. Laxworthy, à ressentir vous-même cet instinct ? Le prince grille d'envie de tailler une autre banque. » « Je vous l'avoue, répondit Laxworthy, c'est surtout comme spectateur que le baccarat m'intéresse, mais je jouerai volontiers à la roulette. » « Va donc pour la roulette, bien qu'une partie trop courte, comme sera forcément celle-ci, ne laisse guère de chance pour la banque. La maison prendra-t-elle la banque contre les visiteurs ou les visiteurs contre la banque ? À votre choix. » « Les visiteurs sont la majorité, décida Laxworthy. Que la maison prenne la banque. » Le jeune homme s'installa devant la roulette et, la mettant en mouvement, « Monsieur le prince, cria-t-il, nous jouons à la roulette. » Venez donc nous porter un de ces billets de 1000 que vous m'avez gagné tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres ? » Les deux hommes, ainsi interpellés, se retournèrent. Vraiment, tous les deux manquaient de distinction. Un gros rire s'étrangla dans la gorge du prince. « Un instant, dit-il, j'ai besoin de cet excellent cognac pour me remettre. » Il avait les yeux injectés de sang. Laxworthy et ses amis crurent comprendre que les deux hommes près de lui le tenaient en surveillance. « Ce soir, je ne me sens aucun courage, » déclara le jeune homme. « Je fixe le maximum à 1000 francs sur chance simple, 100 francs sur les combinaisons et 50 francs sur les numéros. Ce jeu infernal me ruine. » Ils s'assirent. Madame de Cléry près de Sydney, Laxworthy entre le banquier et Forrest Anderson. La marquise eut un moment d'indécision et finit par aller se placer debout derrière Madame de Cléry. « Vous ne voulez pas vous asseoir, madame ?» lui demanda Laxworthy. « La roulette m'ennuie, » répliqua-t-elle. « Comme tous les jeux de ce genre, du reste. Aucune loi ne les gouverne. On ne gagne jamais. On n'a jamais rien à espérer. Ah, si ce n'était pas pour mes amis !» ajouta-t-elle en s'éventant avec nonchalance. Ils jouèrent une dizaine de coups. La banque gagna, perdit, regagna. Laxworthy venait de pousser devant lui un billet de 100 francs, quand à l'autre bout de la salle éclata une voix furieuse. Le prince s'était dressé, farouche, dominant de la tête ses compagnons, les prunelles ensanglantées, les joues bouffies, les veines saillantes. « Fichez-moi la paix » bredouilla-t-il avec violence. « Je jouerai, si j'en ai envie, avec qui et quand il me plaira. » Il écarta d'une poussée l'un des deux hommes qui essayait de le retenir et lentement s'avança dans la salle. Il titubait, fixant un regard hébété sur l'assistance. Du tabac et du café maculaient son plastron de chemise. Laxworthy ne perdait pas un de ses mouvements. « Madame la marquise, grommela-t-il, vous voudriez, n'est-ce pas, me renvoyer chez moi ? Pas encore. Je vais d'abord jouer avec ces bonnes gens à la roulette. » Puis nous ferons tous un baccarat. Julien prend la banque. Alors nous savons à quoi nous attendre. Mais je joue quand même 1000 francs sur la rouge, mon ami. » Il continuait d'attacher sur tous un œil fixe et Laxworthy ne cessait pas de l'observer. « Mon cher prince, interpella la marquise, vous rendez-vous compte que vous êtes là depuis hier minuit. J'ai voulu vous satisfaire et je vous ai trouvé des gens pour jouer au baccarat toute la journée. « Mes amis que voici ne jouent qu'à la roulette. Croyez-moi, rentrez chez vous. »« Eh ! » répondit-il, « pourquoi rentrerai-je ? J'ai gagné de l'argent. Je me trouve bien ici. Vous plaisez tous à l'exception du misérable jeune anglais qui m'a insulté. » Et tourné tout d'un coup vers Laxworthy. « J'ai, mister, continua le prince, une façon expéditive de régler ceux qui ne savent pas rester à leur place. Et c'est le défaut de beaucoup d'anglais. » Laxworthy ne sourcilla pas derrière ses lunettes. Il ne fit pas un signe. Les yeux du prince s'allumèrent. « M'entendez-vous, l'homme à lunettes ? C'est à vous que je parle. » Laxworthy venait de gagner un petit coup. Il finit de compter ses billets de banque, puis releva la tête. « Certainement, dit-il, j'entends. Vous devriez bien parler plus bas. Vous avez la voix désagréable. » Un silence de mort régna. Le prince frappa la table du poing et tous les jetons sursautèrent. « Vous m'entendez ? » ricana-t-il. « Et vous me trouvez la voix désagréable. Espèce de vilain singe, avec vos épaules tombantes et vos lunettes. Un marchand anglais me trouvait la voix désagréable. » « Et qui plus est des façons de brute, » ajouta placidement Laxworthy. Le prince fulgurait. Lentement, il se mit à faire le tour de la table vers Laxworthy. Laxworthy, levé à ce moment, se rassit et croisa ses jambes. Alors Julien, se penchant à son oreille, « Je vous en supplie, monsieur, ne l'exaspérez pas. Vous savez bien à qui vous avez affaire. Au prince de Ligurie, apparenté à une maison régnante, il vient ici en maître. Il a étranglé un homme qui lui en avait dit moins que vous. « Il ne m'étranglera pas, moi, » trancha Laxworthy. Cependant, avant d'attaquer le frêle adversaire qu'il avait rejoint et qu'il écrasait déjà de sa taille, le prince se tourna vers l'autre bout de la salle. « Eh là-bas, marque de la mort » cria-t-il. « Montre-nous comment j'ai traité ce jeune Anglais qui s'était permis une observation déplacée. J'ai encore ici une leçon à donner. Montrez, vous dis-je. » La marquise se glissa près de lui. « Monsieur le prince, » adjura-t-elle, « j'ai fait pour vous tout mon possible. Pas de scandale au nom du ciel !» Le prince l'écarta. « Montrez » répéta-t-il, « ou je vous casse la tête !» Se levant à contre-cœur, les deux individus, si cavalièrement interpellés, repoussèrent la table devant laquelle ils étaient assis de biais. Alors, sur un sofa, derrière le siège qu'avait occupé le prince, on vit un homme étendu. Madame de Cléry se dressa, s'élança. L'homme était l'un des deux qu'elle avait reconnu au restaurant. « Victor !» s'écria-t-elle. « Comment est-il ici? Qu'est-ce qui se passe ?»« Pendant 24 heures, » vociféra le prince, « j'ai joué à cette table. J'ai gagné, c'est vrai, mais je joue bien. Dans la soirée arriva cet Anglais à face de carême. Il osa me permettre un doute, une question. Ma réponse, il l'a reçue dans la figure. » Laxworthy se leva, l'air résolu, traversa la salle dans la même direction que Madame de Cléry, se pencha un instant avec elle sur le corps du jeune homme, puis, à la marquise, « Pourrions-nous, madame, avoir un médecin ?» La marquise regarda le prince. « À quoi bon ? » dit-elle, « ce jeune homme va se remettre. Un médecin voudra des explications. » Laxworthy redescendit la salle. « Sidney, » ordonna-t-il, « vous trouverez un téléphone dans le vestibule. Appelez tout de suite un médecin et la police. » Pouffant de rire, levant ses mains au ciel, le prince se mit en travers de la porte. « Je voudrais bien voir que quelqu'un essaye de sortir. » Très pâle au bras de Laxworthy, Madame de Cléry s'efforçait de paraître calme. « Monsieur Laxworthy, » fit-elle, « je suis désolé de vous avoir conduit dans cette maison. J'ignorais que nous y rencontrerions le prince. Inutile d'envoyer chercher la police, croyez-moi. Il a ici tout le monde à ses ordres. Personne ne supporterait un mot contre lui. On lui avoue une sorte de culte monstrueux devant quoi il n'y a qu'à s'incliner. Le jeune homme que voilà, blessé, et peut-être blessé gravement, est mon cousin. Que gagnerions-nous à un Estlandre ? Tranquillement, Laxworthy se dégagea. « Tout ce que vous dites, madame, répliqua-t-il en élevant la voix, se justifierait à la rigueur si l'individu qui cause cette émotion était en effet le prince. Je m'étonne que vous ayez pu vous y laisser prendre un instant, madame la marquise. Regardez-le de près. Il n'est pas plus que moi, le prince de Ligurie. J'ai oublié son nom. Je sais seulement qu'il est suédois de naissance et qu'il porte au bras droit la marque de la prison. » Il y eut une seconde d'angoisse, puis un rugissement, et l'homme marcha sur Laxworthy, mais à quelques pas il s'arrêta net, recula, chancela. Plus alerte que jamais, Laxworthy avait fait un geste, et dans ses mains, son revolver montrait un bout de gueule noire. « Votre nom me revient, à présent, » reprit Laxworthy. « Vous vous appelez Karl Osterhafen. Vous avez subi une condamnation comme tenancier de tripot. Vous prétendez le fils naturel d'un gentilhomme russe, ce qui est très vraisemblable. Madame la marquise, si cet homme a gagné de l'argent chez vous, il faut qu'il le rende tout de suite. Empêchez les autres de se sauver, Sidney. » Les compagnons d'Osterhafen tentaient de gagner la porte, mais on les prévint. La marquise tremblait de colère. « Monsieur Laxworthy, » dit-elle, « j'ai contracté envers vous une dette imprescriptible. Ces deux hommes m'étaient connus comme ayant appartenu à la suite du prince. Ils vinrent m'annoncer hier son arrivée incognito. J'organisais pour lui un baccarat la nuit dernière. Ses allures ne laissaient pas d'inspirer quelques soupçons. Il a sur lui 300 000 francs plus ou moins correctement gagnés. Mais que pourrais-je dire ou faire qui l'oblige à les rendre ? Le cousin de Madame de Cléry n'est pas trop abîmé, » déclara Laxworthy. « Insistez donc près du faux prince pour une restitution volontaire. que vos amis reprennent ce qu'ils ont perdu et que ce filou nous débarrasse de sa présence. Il n'a aucun avantage à ce que l'affaire aille plus loin. » Osterhafen vacillait sur ses jambes. Il avait les bords des paupières congestionnées et un rictus déformait son visage. « Satané petit homme » hurla-t-il. Il fit un mouvement, comme pour bondir sur Laxworthy et de nouveau s'arrêta court. « Osterhafen !» prononça Laxworthy, imperturbable. « Je me suis heurté à quelques brutes plus dangereuses que vous, et n'ai jamais failli à tirer juste quand c'était nécessaire. Ne laissez pas, madame, le temps de changer d'avis. Remettez l'argent sur la table et filez. Ce sera peu de chose que le scandale, en comparaison du plaisir qu'il y aurait à vous envoyer, vous et vos complices, là où vous mériteriez d'aller. Il en coûte gros, à Monte-Carlo, de se faire passer pour un prince de sang royal et qui triche. » Alors, un colloque bref s'engagea entre l'imposteur et ses compères. Il finit par jeter sur le parquet toute une liasse de billets de banque. « Êtes-vous satisfaite, madame ?» interrogea Laxworthy. « Certes, dit-elle. Qu'ils partent maintenant. » Quelqu'un toucha un bouton d'appel. Le maître d'hôtel apparut. « Monsieur le prince et sa suite quittent Monte-Carlo dans l'automobile de madame de Cléry, » annonça Laxworthy. « Veuillez dire au chauffeur de revenir ici dès qu'il aura déposé à l'hôtel, monsieur le prince. » Respectueux, le maître d'hôtel s'effaça pour laisser sortir les trois hommes. Le blessé, revenu à lui, se redressait un peu, et madame de Cléry lui frictionnait les tempes. Laxworthy, ayant rentré avec soin son revolver, rectifia ses lunettes. « J'étais engagé dans un petit coup très intéressant, » dit-il en revenant vers la roulette. « Si je ne devais forcer personne, je continuerais volontiers en attendant le retour de l'automobile. » Julien reprit la place du croupier et d'un doigt nerveux tourna la roulette. La marquise se dirigea vers madame de Cléry. « Lucie, murmura-t-elle, où avez-vous déniché cet extraordinaire bonhomme ?»« Mais, » répondit madame de Cléry, souriante, « à la terrasse du café de Paris. Il avait un châle gris sur les épaules et prenait une tasse de thé. » La marquise hocha la tête. Elle regarda la liasse de billets bleus dans sa main, puis Laxworthy, plus attentif que jamais à son système. « Ah » dit-elle, « quelle admirable race, monsieur Laxworthy. Madame, vous connaissez l'histoire de Robert Bruce et de l'araignée ?»« Assurément, madame, » répondit Laxworthy, les yeux rivés sur la table. « Sachez donc que si jamais vous avez besoin de l'araignée, elle est à votre service. Vous ne l'oublierez pas. » Il redressa ses lunettes et, la considérant, « Je n'oublie jamais rien, madame. » Ainsi s'achèvent les fantaisies du prince de Ligurie par Edward Phillips Oppenheim.